mains, mais jaloux encore plus près. Maison d'arrêt, maison dispée, sa mère, j'pose qu'avec les frais. La statuerie avant tout, même la famille passe après. Si tu vois, j'veux dire, viens pas me contredire sur la loi, j'tire un trait. Tous en frais, tous en scar, c'est le 9-3, pas de sucerie. Sous le sol, gant chirurgien, farine réchaud, j'rappe dans une pâtisserie. Dans la hasla avec mon asso, j'crois pas qu'on va s'y faire. Les craft tellement de sel à qu'il a réinventé l'hiver. Nous les rebeux, on est ici, on vit là. Dis ça au vrai, on refait le monde avec des si, des si là. Des drapeaux, tu viens zo, sur la prod, reprends pas mes thèmes ni mes compos. Qui sème le game, récoltera ton pot. C'est la nuit, fonce la gagne, on veut jouer la coupe et la gagne. Et reste pour la suite, fonce de la arme, arrobas, tiens son mort. Y'a pas que des claques qui se perdent, putain, perdent avec ceux qui se perdent ou qui espèrent ne voir. Désespéré, alors j'espère. L'espoir fait vivre, mais on vit pas ça. Ici c'est shit, coca, nerf, ça et master. Un petit tas pour garder la forme. Car dans le fond, y'a fort. On est trop hard, fallait que je t'informe. On reste ferme comme les portes du pénitencier. Illicite défense, on se laissera pas distancer. Dans les affaires, on est mouillé, pire que des putains de poissons. J'suis un qu'un de quartier, donc j'peux pas me noyer dans la poisson. J'en donne le ghetto facile comme si j'étais de la queue trop. Assalam alaikum, négro bico, blanco, asiatico, mitecro. Comme la ficelle du string, j'ai l'époque où ça disait yo. Nique-toi et ton bling bling. Tu nous vois dans des vieilles vagos. Demande-toi plutôt ego. Dans quoi on investit? On les baise, bim. Moi j'mène une vie d'ordure. Mon hall est toujours plus sale. Je t'envie d'ordure. Moi j'sors des CD quand j'veux, c'est réel. Enculé tes yeux. Nique sa mère Skyrock, elle pourra le dire que j'suis prêt à faire la queue. J'vais te chiffler comme si j'étais ton daron. T'es pas con, nous t'en prions. J'avais tellement la dalle les soirs, j'ai fait une boisson. Ghetto Fab Gang, c'était chaume de logos, haute musique grosse. Pointeur d'instru, mon négro, j'lui fais ça de gré ou de force. Y'a pas que des claques qui se perdent, putain, perdent avec ceux qui se perdent ou qui espèrent ne voir. Désespéré, alors j'espère. L'espoir fait vivre, mais on vit pas ça. Ici c'est shit, coca, nerf, ça et master. Un petit tas pour garder la forme. Car dans le fond, y'a fort. On est trop hard, fallait que je t'informe. On reste ferme comme les portes du pénitencier. Illicite défense, on se laissera pas distancer. HLL, on bat nos HLM. Fumé de H, on se fâche, ghetto contre H-E-E-O. Ok, ça se passe, pépère. HLL, tu vas t'arracher l'aile. Montagne de soucis où c'est craché le reste. La voix nous soit est gâchée. On passe notre temps à gratter. Tant qu'il y a encore du souffle à cracher. Accroître nos pouvoirs d'achat. Veulent pas croire que la vie c'est pas ça. Ils veulent tous vivre comme des pachas. Mais l'espoir on vit pas de ça. Dans l'équipe y'a pas de sage. En façade, toujours en façade. J'marche à l'envers comme Farzad. À compte courant, ton compte courant. Donc y'aura pas de concours. Passe pas par 36 chemins pendant que toi tu contournes. J'prends des risques, puisque ils veulent pas changer de disque. Changer de disque ou attaque à la disque. Ok, on donne un extrait. Y'a que le bon tap qui se perd. MC fais-toi discret. Y'a pas que des claques qui se perdent. Y'a pas que des claques qui se perdent. Putain, perdent avec ceux qui se perdent ou qui espèrent ne voir. Désespéré, alors j'espère. L'espoir fait vivre, mais on vit pas ça. Ici c'est shit, coca, nerf, ça et master. Un petit tap pour garder la forme. Car dans le fond y'a fort. On est trop hard, fallait que je t'informe. On reste ferme comme les portes du pénitencier. Illicite défense, on se laissera pas distancer. J'ai la crime au cul de trois tas sur les côtes. Mon tel est sur écoute, je suis sur un code. La coupe pour de la coque. Le sac à l'eau est chargé comme un chargeur. Les faux MC je m'en charge, moi déterre comme un chercheur. Dehors je me fais rare dans tout ce qui brille. Les petits rappeurs braille, laisse-moi rire, c'est pas les mêmes pailles. J'pose mes couilles et mes thunes. Depuis le début j'ai pas attendu draper la rue pour réclamer le dieu. Oh my god. Pas d'histoire à dormir debout. Tant mieux si l'illicite nous aide à chanter debout. Depuis le début j'dépite du sale en restant habile. Tellement vrai que dans nos clips c'est pas des cannabis, mon anabil. On en veut toujours plus, c'est notre espèce. Faut que tu saches pas que les pipes qui sucent pour l'espèce. En espace, je veux de l'espace. Je sais ce qui m'entoure. Le rap, j'en pleure d'enrée. J'attends plus mon tour. Y'a pas que des claques qui se perdent. Putain, perdent avec ceux qui se perdent ou qui espèrent ne voir. Désespéré, alors j'espère. L'espoir fait vivre, mais on vit pas ça. Ici c'est shit, coca, nerf.